Lafcadio Hearn, Yuma. L'Ada, au premier temps de la colonisation, tenait souvent une place importante dans les riches familles de la Martinique. L'Ada était, en général, une négresse de la nuance la plus foncée, une capresse plutôt qu'une mestive. À son égard, le préjugé de la couleur n'existait pas. L'Ada était esclave, mais jamais l'affranchie la plus belle, la plus cultivée, n'a joui d'une situation privilégiée comparable à celle de certaines Das. L'Ada était aimée et respectée comme une mère. Elle était à la fois la mère adoptive et la nourrice, car l'enfant créole avait deux mères, l'aristocratique maman blanche qui lui donnait le jour et la sombre mère esclave qui lui donnait tous ses soins, qui le nourrissait, le baignait, lui apprenait le doux et mélodieux parler des nègres, le promenait dans ses bras afin de lui montrer la belle nature tropicale, lui racontait le soir de merveilleuses histoires populaires, l'endormait au son de berceuse, et, en somme, se tenait nuit et jour prête à accomplir son moindre désir. Aussi n'est-il guère surprenant que les Das aient été mieux aimés que les mères blanches, au moins pendant l'enfance des petits créoles qu'elles élevaient. Lorsqu'il existait une préférence marquée, elle était presque toujours en faveur de la Da. C'est que l'enfant se trouvait beaucoup plus souvent avec elle qu'avec sa vraie mère. C'est que la Da seule savait contenter tous ses menus caprices. Il la trouvait plus indulgente, plus patiente, peut-être même plus caressante que sa mère. Et l'Ada elle-même était une enfant. Elle en avait l'âme. Elle parlait le langage des enfants. Elle prenait plaisir à des choses enfantines. Elle était naïve, enjouée, affectueuse. Elle savait comprendre les pensées, les élans, les peines et les fautes du tout petit mieux que ne l'eût fait souvent la mère blanche. Elle savait d'instinct l'apaiser en toutes circonstances, amuser, divertir ou flatter son imagination. Une harmonie parfaite régnait entre les deux natures. Une heureuse communauté de sympathies et d'antipathies, un parfait accord dans la joie animale d'exister. Plus tard, au moment où l'enfant, grandi, recevait les premières leçons de français du précepteur ou de la gouvernante, au fur et à mesure des progrès de son esprit, son affection pour la Da commençait à se distinguer de son affection pour sa mère. Mais bien qu'il se mît peut-être alors à aimer sa mère plus qu'auparavant, il ne chérissait pas moins la Da. Son amour pour sa nourrice durait toute sa vie. Et rarement la Da était-elle abandonnée par la famille. Cela n'arrivait guère que lorsqu'elle avait été durement louée par un marchand d'esclaves. Souvent la Da était née sur la propriété de la famille. Parfois elle servait de bonne d'enfant à deux générations nées sous le même toit. Mais il arrivait plus souvent que lorsque la famille augmentait et se divisait, lorsque les fils et les filles devenus grands se mariaient à leur tour, elle soignait tous leurs enfants, l'un après l'autre. Elle finissait ses jours auprès de ses maîtres. Bien qu'elle leur appartînt selon la loi, c'eût été presque une infamie de la vendre. Lorsqu'on la franchissait, en reconnaissance des services rendus, elle n'avait pas le désir de fonder un foyer propre. La liberté n'avait pour elle que peu de prix, à moins qu'elle ne survécût à ceux auxquels elle était attachée. Elle souhaitait la liberté pour ses enfants, plus que pour elle-même. Elle avait même le droit de la demander pour eux, puisqu'elle avait sacrifié tant de ses plaisirs maternels pour les enfants d'autrui. Son désintéressement et son dévouement forçaient la reconnaissance des natures les plus dures. Elle représentait le type le plus haut de la bonté, dans une race maintenue dans une demi-barbarie par la servitude, mais qui, cependant, était remarquablement raffinée au point de vue physique, grâce au climat, au milieu et à toutes ces influences mystérieuses qui déterminent le caractère des peuples créoles. L'Ada appartient déjà au passé. C'était un type tout particulier tiré de l'esclavage par sélection. C'était sans doute le seul produit de l'esclavage qu'on puisse regretter. Fleur étrange poussant parmi les sombres herbes touffues de ce sol amer. L'atmosphère de la liberté ne devait pas être nécessairement fatale à la durée de ce type. Mais la liberté amena bien des changements inattendus. L'établissement du suffrage universel fut suivi d'une grande dépression industrielle, due à la concurrence étrangère et aux nouvelles découvertes. Tandis que la subordination de l'élément blanc à l'élément noir provoquait une insurrection politique et la ruine complète de l'ancienne organisation sociale. La transformation était trop violente pour amener de bons résultats. L'abus des pouvoirs politiques, conférés trop vite et sans choix, aviva les haines anciennes et en provoqua de nouvelles. Les deux races se séparèrent pour toujours, au moment même où elles étaient le plus nécessaires l'une à l'autre. Et puis, les difficultés toujours croissantes de la vie développèrent vite l'égoïsme. La générosité et la prospérité disparurent ensemble. La vie créole se fit plus étroite, se resserra sur soi-même. Et, visiblement, chacune des classes, sous la pression de nécessités inconnues, s'enferma dans son caractère. Il n'y a plus de dât. Aujourd'hui, il y a des gardiennes et des bonnes qui souvent ne restent guère dans la même place 3 mois de suite. La loyauté et la simplicité de l'Ada ne sont plus que des traditions, et il serait bien inutile de rechercher des vertus équivalentes dans la génération nouvelle de domestiques salariés. Cependant, plusieurs des Das d'autrefois vivent encore. Elles portent toujours ce nom. Celles à qui on l'a donné le gardent toute leur vie, comme un titre d'honneur. On voit encore quelques dents à Saint-Pierre. Il y a par exemple du côté de la grande rue, face à la mer, une très belle maison, où, tous les matins de beau printemps, une très vieille négresse, qui aime le soleil, sort et vient s'asseoir sur le seuil de marbre. C'est Da Suyotte. Des passants occupant de hautes situations, dans le monde des affaires ou du barreau, la saluent en se croisant avec elle. Les hommes de la famille chez qui elle vit, le vieux père grisonnant et ses grands-fils, s'arrêtent pour bavarder avec elle avant de se rendre à leur bureau. Les jeunes femmes se baissent et l'embrassent, avant de monter dans la voiture qui va les mener à la promenade. Et, si vous vous arrêtez un instant, vous remarquerez que tous les visiteurs la saluent avec un sourire et lui demandent amicalement « Comment ouyez, Da Suyotte ?» Malheur à l'étranger qui, se figurant qu'elle n'est qu'une domestique, lui parlerait grossièrement. « Si elle n'est qu'une domestique, » répliqua un jour le maître de la maison à quelqu'un qui avait commis cette erreur, « vous n'êtes qu'un valet. » Insulter Lada, c'était insulter toute la famille. Quand Dasuyot mourra, on lui fera de ses obsèques qui ne s'achètent pas au prix d'argent. Elle aura un enterrement de première classe, auquel assisteront tous les habitants les plus riches et les plus orgueilleux de la ville. Ce jour-là, certains planteurs feront 20 000 à cheval, par-dessus les mornes, pour venir tenir les cordons du poêle. Certaines femmes, qui foulent rarement le pavé des rues, et qui sortent presque toujours en voiture, suivront à pied, sous le soleil brûlant, le cercueil de la vieille négresse jusqu'au cimetière du mouillage. Et ils enterreront Lada dans le caveau de la famille, tandis que les cimes des grands palmiers frissonneront à la voix du bourdon.